Bonjour Maëlys et on vous retrouve demain à 14h. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour également au public du Salon Livre Paris où nous enregistrons cette émission consacrée aujourd'hui et toute la semaine à Tolstoï, émission qui vous est proposée par les indispensables Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal, Anne-Vanessa Prévost et Didier Pinault avec du côté de la technique Emmanuel Morse-Duncan et Martin Guénard. À la mort de Tolstoï le 7 novembre 1910, les Russes ignorent encore que l'expérience communiste va changer leur destin, alors que le grand écrivain, né en 1828, n'est sans doute pas pour rien dans l'avancée des idées égalitaristes dans son pays. Car il a terminé sa vie autant prophète que grand artiste, prônant la non-violence et inspirant Gandhi, cherchant l'ascèse et désirant finir ses jours dans un monastère, nous l'avons vu hier, avec son biographe Vladimir Fedorovski. Demain, avec Laure Trubetskoy et Laetitia Le Guay, nous évoquerons deux grands romans de l'écrivain russe, Anna Karénine et Guerre et Paix. Et puis en seconde partie, il sera question de son rapport à la musique. Enfin, jeudi, un pas de côté, je recevrai Pierre Bayard, qui publie en ce moment aux éditions de Minuit le livre Tolstoïevski dans la collection Paradoxe, un essai où il prend en exemple les personnages des deux écrivains, Tolstoï et Dostoïevski, pour évoquer la question des personnalités multiples qui se succèdent en nous de manière bien souvent effrayante. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, après la chronique de Georges-Marc Habib, nous replacerons Tolstoï dans l'univers intellectuel de son temps grâce à l'universitaire Françoise Le Sourd. Mais pour commencer, nous sommes en votre compagnie, Luba Jürgensen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature russe à la Sorbonne. Vous êtes aussi traductrice. Vous réfléchissez à la question du bilinguisme, puisque d'ailleurs, vous êtes née à Moscou et que vous vivez en France depuis 1975. Vous êtes donc née au pays de Tolstoï. Oui, si on veut, c'était plus le même pays, mais... Ah, mais c'est toujours le pays de Tolstoï, la Russie, non ? Et pour l'éternité ? Si on veut. Ouais. Comment est-il considéré aujourd'hui, en Russie ? Écoutez, comme, je pense que c'est un peu partout le cas. Tolstoï, je crois qu'on mesure, mal la modernité de Tolstoï aujourd'hui, que ce soit en Russie ou en France. Et il serait vraiment intéressant justement de voir que c'est un écrivain, et souvent on l'oppose justement à Dostoïevski sur le terrain de la modernité, c'est-à-dire Dostoïevski, voilà, je crois que ce Tolstoïevski est scindé en deux très souvent dans l'esprit des gens, en ce sens qu'on pense que on reconnaît chez Dostoïevski notre modernité, alors que chez Tolstoï on a l'impression que voilà, qui parle d'un monde révolu, donc on le considère souvent comme quelqu'un d'un peu ringard, qui s'est intéressé à la noblesse, donc à des problèmes qui parlent très peu aux gens aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que d'une part, Tolstoï, par bien des côtés, notamment toute cette dimension de la critique de la culture, qui fait de lui, sans doute à son corps défendant, l'inscrit dans le sillage de Nietzsche, qu'il détestait, mais surtout fait de lui un précurseur de Benjamin, de Broch, de penseurs qui se sont consacrés justement à la critique de la culture, d'Adorno, d'un côté. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est... que Tolstoï est une grande référence aussi, c'est vrai, aux côtés de Dostoïevski pour Camus, Tolstoï va être une grande référence pour quelqu'un comme Kafka, qui était totalement fasciné par à la fois l'écrivain et et le penseur et le personnage. Par exemple, l'artiste de la fin est en partie inspiré par les théories de Tolstoï sur le végétarianisme. Ouais. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on parle de cette modernité là. De manière générale, on a tendance à dire que Dostoïevski, étant plus philosophe d'une certaine manière, en tout cas plus immédiatement philosophe, est plus intéressant que Tolstoï. Je crois même que Nathalie Sarraute a dit qu'après avoir lu Dostoïevski, on ne pouvait plus lire Tolstoï, qu'il était entièrement démodé. J'imagine que ce n'est pas votre avis. Oui, mais bon, on a Nabokov aussi qui a dit un petit peu l'inverse. Donc, je pense que il faut peut-être aussi réfléchir à ces schémas culturels qui font qu'on oppose. Et en Russie, il y a des chercheurs, des critiques littéraires comme Yuri Lotman qui ont réfléchi justement sur ces modèles binaires qui font que on aime Pushkin ou on aime Lermontov, on aime Tolstoï ou Dostoïevski, Tsvetaeva ou Akhmatova. Je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut dépasser ça. Et notamment, on a l'impression que c'est parce qu'on ignore aussi l'œuvre philosophique de Tolstoï ou qu'on la lit de manière très très partielle. Alors vous, Luba Jorgensen, pour vous, Tolstoï est une référence culturelle, mais c'est peut-être d'abord une référence sensible et affective, et c'est pour ça que vous avez consacré à Tolstoï un essai biographique que vous avez d'ailleurs intitulé sobrement Tolstoï. C'était en 1998 aux éditions Pygmalion dans la collection Chemin d'éternité d'Olivier Germain Thomas. Et c'est un livre dans lequel vous dites que Tolstoï, pour vous, c'est d'abord un souvenir d'enfance. Oui, bon, ce livre, il ne date pas de 1800, mais... Mais il ne date pas d'hier non plus. Il date quand même du siècle dernier. C'est vrai que... Mais c'est... moi, je peux dire aujourd'hui que Tolstoï m'a toujours accompagnée aux différentes étapes de ma vie, mais pas de la même façon. C'est vrai que ça a été la lecture de Guerre et Paix a été une lecture absolument bouleversante. Mais aussi très difficile pour vous, cette lecture de Guerre et Paix. Difficile? Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez dû vous y reprendre à plusieurs fois. Ah oui, au départ, tous vos amis vous disaient, il faut absolument... Je vous explique ce que vous avez écrit dans votre livre. Tous vos amis vous disaient que c'était formidable, il fallait absolument lire Guerre et Paix. Mais vous, jeune fille, vous étiez impressionnée par ce livre-là. Ben, en fait, c'est effectivement... j'étais très jeune, et donc... mais je pense que beaucoup de jeunes avaient cette réaction. Quand Natacha abandonne le prince André, je lui en ai tellement voulu que j'ai jeté le livre, effectivement. Ah oui. Et j'y suis revenue. je tournais autour. Je n'aimais pas non plus abandonner un livre, donc j'y suis revenue. Et c'est devenu, effectivement, une des grandes lectures qui m'a accompagnée, en effet, pendant plusieurs années et à laquelle je suis régulièrement revenue. En tant que lectrice, en tant qu'enseignante, en tant qu'éditeur, en tant que directrice de thèse. Donc c'est vraiment un guide, alors, un phare pour vous? D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire, il m'énerve aussi par moments. Ah, mais, qu'est-ce qui vous énerve? Voilà, mais j'y reviens quand même. J'y reviens chaque fois de façon différente. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve toujours... de nouvelles choses chez Tolstoï. Et par exemple, on a cette notre institut édite les cahiers Léon Tolstoï, dont un des numéros dirigé par Françoise Le Sourd a justement donné son titre à cette émission, Les adversaires de Tolstoï. Donc chaque année, enfin, en tout cas, on essaie, c'est pas toujours le cas. On organise une journée d'études sur Tolstoï, on publie un petit recueil, et chaque fois on se dit, on va épuiser Tolstoï. Eh ben non. Moi, chaque fois que je reviens au texte de Tolstoï, j'y découvre encore de nouvelles choses, même des textes que j'ai lus 100 000 fois, comme La mort d'Ivan Ilitch. 100 000 fois, comme vous y allez. Écoutons la première page de Guerre et Paix, si vous voulez bien. Eh bien, mon prince. Eugène et Luc ne sont plus que des apanages, des propriétés de la famille Buonaparte, Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet antéchrist, ma parole, j'y crois, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon fidèle serviteur, comme vous dites. Allons, bonjour, bonjour, je vois que je vous fais peur, asseyez-vous et racontez. C'est ainsi qu'en juin 1805, la fameuse Anna Pavlovna Scherer, demoiselle d'honneur et favorite de l'impératrice Maria Féodorovna, accueillit le prince Basile, un haut personnage, arrivé le premier à sa soirée. Anna Pavlovna toussait depuis plusieurs jours. Elle avait la grippe, disait-elle. Grippe était alors un terme nouveau et rares étaient ceux qui en usaient. Les billets qu'un valet en livrée rouge avait distribués le matin même étaient libellés ainsi « Si vous n'avez rien de mieux à faire, monsieur le comte ou mon prince, et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraie pas trop, je serai charmé de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer. » « Dieu, quelle virulente sortie !» répondit le prince, nullement troublé par cet accueil. Il arborait sur son uniforme de cour brodé des plaques de divers ordres, portait bas de soie et escarpins, et son visage plat respirait la bienveillance. Il s'exprimait en ce français raffiné que parlaient nos grands-parents, dans lequel même il pensait, et sa voix avait les inflexions douces et protectrices propres aux gens qui ont vieilli dans les milieux du monde et de la cour et y ont exercé de hautes fonctions. Il s'approcha d'Anna Pavlovna, lui baisa la main en inclinant sa tête chauve, luisante et parfumée, puis s'assit sans hâte sur le divan. « Avant tout, dites-moi comment vous allez, cher ami. » La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Tolstoï avec vous, Luba Jorgensen, et de Guerre et Paix, que vous avez lu, je le disais, avec au début un petit peu de difficulté. Vous aviez peur finalement que quelque chose de terrible n'arrive à la lecture de ce texte. Et puis un soir, vous avez ouvert ce livre au hasard et vous êtes tombé sur le passage que vous appelez celui de la conversion du prince André. Est-ce que vous vous souvenez de cela, bien que c'était déjà au siècle dernier, Luba Jorgensen? Je pense que là, on a toujours une certaine crainte vis-à-vis d'un texte majeur. C'est-à-dire, on a peur qu'il nous bouleverse. Et quand on a 16 ans, voilà, je crois que pour moi, ce texte correspond aussi à une sorte de sortie d'enfance. C'est-à-dire, je me confrontais à la fois et à la grande littérature et à la grande littérature russe que je connaissais finalement assez peu à l'époque, lisant surtout des auteurs étrangers. Donc c'était ça la crainte et le dialogue qu'on a entendu. Je ne sais pas si on en mesure l'extraordinaire modernité justement parce que. On entre dans ce livre par un dialogue. Mmh. Ce n'est quand même pas fréquent. Je veux dire, justement, on ouvre un livre de Dostoïevski, on va voir le portrait de tous les personnages. C'est pas une critique, mais là, on plonge immédiatement dans un dialogue et dans un dialogue qui révèle, en fait, l'artificialité, l'inauthenticité des relations mondaines. Donc, c'est une... C'est une sorte de confrontation immédiate à la convention, à la conventionnalité que Tolstoï combat toute sa vie. Et c'est quelque chose quand même qui... voilà. Et puis, ce livre m'a bouleversée. Donc, il a bouleversé ma conception de la littérature d'alors. Hein. Vous avez le sentiment, dites-vous dans ce livre, que vous découvrez la littérature. Ben, j'avais le sentiment que je découvrais une façon d'écrire qui m'était jusqu'alors inconnue et qui me bouleversait, qui m'ouvrait. Bon, parce que enfin, je m'essayais modestement à l'écriture et donc voilà, on se. Et vous, vous sentez tout de suite qu'il y a un mystère chez Tolstoï. Et que, à l'intérieur de la matière du langage, il y a une âme enfermée. Vous ressentez le côté mystique de Tolstoï à cet âge-là, même si peut-être que vous ne pouvez pas le formaliser puisque vous êtes très jeune, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'au-delà de la littérature. Absolument. Bah, c'est-à-dire que je suis sortie, et justement le passage sur la, bon, qu'on appelle la conversion du prince André, en fait c'est plutôt le passage où c'est le passage qui précède sa mort, en fait. Et c'est le moment où, où Natacha revient. En plus, c'est un grand moment qui aurait pu être romantique, mais où on assiste aussi à la déconstruction de certains schémas romantiques. Mais je suis sortie de la lecture de ce passage où Tolstoï parvient à, comment dire, à écrire une page de délire. Donc on a en fait déjà toute une sorte de comment dire, de flux de conscience, hein. Tolstoï, en ce sens, là aussi la modernité, il est un peu le précurseur de Joyce sur cette question là et le délire du prince André est un des passages les plus fulgurants de la littérature mondiale. Et je suis sortie de la lecture de ce passage avec l'interrogation qui, je pense, voilà, dont j'aurais bien voulu discuter avec Tolstoï, à savoir est-ce qu'il y a un langage après la mort ? Est-ce que après la mort on va parler ? Est-ce qu'il y a une langue de la mort ? Et je crois que c'est vraiment la question qui pose. En tout cas, la présence de Dieu est évidente dans ce texte-là, Guerre et Paix. Je vous propose d'écouter plus qu'un extrait, une citation. C'est étonnant que j'ai pu ne pas voir jusqu'à ce jour cette vérité indéniable. Derrière ce monde, derrière notre vie dans ce monde, il est quelqu'un, quelque chose, qui sait pourquoi ce monde existe. Tandis que nous, telles des bulles dans l'eau bouillante, montons à la surface, éclatons, et disparaissons. Très court extrait de Guerre et Paix, lu par Natacha Laitier, qui résume bien, je crois, Luba Jorgensen, ce qu'est pour vous la littérature de Tolstoï, c'est-à-dire la recherche du sens de la vie. Bah, je crois que c'est pour Tolstoï que la question du sens se pose en permanence. Et quand il parle du sens de la vie, il s'agit de ce qui, dans la vie, enfin de ce que la mort ne peut pas détruire. C'est-à-dire qu'il est à la recherche d'un sens qui ne puisse pas être détruit par la mort. Et ce sens, il ne le trouve pas. Et tout au long de sa vie, il ne le trouve pas. Et je crois que ce côté mystique et cette recherche de Dieu chez Tolstoï ne serait peut-être pas aussi intéressante si, par la même occasion, il ne combattait pas ce Dieu. Et bon, c'est vrai qu'avec l'âge, j'ai peut-être davantage lu La mort d'Ivan Illich, ou en tout cas autant que Guerre et Paix. Et c'est un texte dans lequel c'est voilà. Alors il y a des. C'est un texte qui a eu une. J'aime pas le mot influence, mais qui a eu des échos chez des écrivains comme Proust déjà, qui a écrit sa nouvelle La mort de Balthazar Silvande. Inspiré par La mort d'Ivan Illich, et puis il y a vraiment des échos chez Kafka à La mort d'Ivan Illich, parce que à travers Ivan Illich, on voit que qu'en tant qu'être humain, on est condamné, hein. Donc il y a cette idée de condamnation. Oui, mais dans La mort d'Ivan Illich, Tolstoï semble proposer une solution, un sens à la vie qui est simplement l'empathie avec l'autre. Puisqu'il semblerait quand même que la trajectoire du personnage d'Ivan Illich, c'est la compréhension qu'au fond, ce qui compte, c'est de se mettre à la place des autres et de vivre avec les autres. Alors, donc en ce sens, il a peut-être trouvé quand même un sens à la vie. C'est une conversion. Alors, je pense qu'il nous fait croire qu'il a trouvé. Il nous fait croire qu'il a trouvé, en ce sens qu'il a trouvé un personnage. Donc il y a le personnage de Gerasim, ce jeune paysan qui aide le mourant, qu'on a évoqué un autre jour. Qu'on a évoqué un autre jour. Ce personnage qui aide le mourant et qui est un personnage de paysan. Et le paysan chez Tolstoï, c'est justement un personnage qui échappe à l'angoisse de mort. Ce sont les personnages de paysans chez Tolstoï sont immergés dans une sorte de pensée collective. Hein. D'ailleurs, il suffit de regarder comment il parle. Hein, Gerassim, il dit jamais je. Mm-hmm. Il dit toujours nous, mm-hmm. en pensant à la communauté. Où c'est un on, enfin, mais un on pluriel. C'est-à-dire, voilà, il dit nous y serons tous. Et comme on est plusieurs, cette communauté paysanne ne craint pas la mort, mm-hmm. parce que la mort est quelque chose d'individuel. Mais ça, c'est peut-être le point de vue de Tolstoï, le bon bourgeois, sur ce qu'il imagine être la vie ses serfs et de ses paysans. C'est l'aristocrate qui projette sur le paysan d'abord cette vision collective. Hein, le paysan, chez lui, n'existe pas individuellement. Mais il bâtit là-dessus toute une utopie, en fait, paysanne, hein, qui devient un modèle, justement, pour l'aristocrate. Échapper à l'angoisse de mort, ça passe par une sorte d'identification avec le paysan. Voilà. Alors, on avait annoncé qu'on parlerait un petit peu avec vous de religion, de métaphysique, et c'est vrai que Tolstoï parle beaucoup de Dieu. Il parle de sa quête d'un Dieu absent, ce qui lui a fait, dans un premier temps, et même jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, rejeter l'Église orthodoxe, qui s'est bien vengée d'ailleurs, en l'excommuniant. Quelle place, Lubha Jorgensen, la religion imaginée par lui-même a-t-elle dans sa vie et dans son œuvre ? Vaste question. Ben, il tente justement dans un premier temps, lorsqu'il est assailli à partir de la fin des années 60, il est assailli par une angoisse qui est à la fois une angoisse de mort et une angoisse de vie et qui dévalorise toutes ses ambitions et toute sa vie. Il tente dans un premier temps de revenir à l'Église, donc il y a une tentative de conversion dans le cadre de l'Église orthodoxe, très vite, justement, il ne supportera pas l'aspect rituel de la vie chrétienne. Il y a un côté presque protestant, du coup, dans sa démarche. Oui, bien sûr, il a un côté protestant, il a un côté anarchiste. Mais je crois qu'on comprend mieux les différentes étapes de la vie de Tolstoï lorsqu'on voit que dans tout ce qu'il fait, Tolstoï a en fait une sorte de... Enfin, c'est comme ça que je le comprends, hein, une sorte d'utopie, de rêve d'un monde qui se passerait de convention. Mmh. Et ça touche autant le langage, et c'est comme ça qu'il en arrive à renier ses propres œuvres, hein, parce que tout ce qui est... et en fait, à chaque fois, les mots sont des conventions. Hein, donc, il inaugure aussi cette pléiade d'écrivains et de penseurs russes qui vont rêver de revenir à une sorte d'avant Babel, mm-hmm. avec des mots qui ne sont pas des mots conventionnels, mais en quelque sorte organiques, spirituels. Voilà. Est-ce que ça s'accompagne d'un rejet de la modernité, d'une peur du futur aussi? C'est un moderne anti-moderne, hein, comme beaucoup de modernes d'ailleurs. Il rejette certaines formes de la modernité, et notamment l'arrivée du capitalisme en Russie. Alors il le rejette. C'est aussi un aristocrate, hein, qui assiste à la disparition de sa classe sociale. Hein, mais tout ce qui est de l'ordre de la consommation, et il va donc réagir très fort à ce qu'il perçoit comme comme la culture, comme le début de la culture de masse et de la culture de consommation. Et en ce sens, il est à la fois, il a peur de la modernité, mais c'est en même temps une position très moderne. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Tolstoï. Tolstoï, l'écrivain qui, dans beaucoup de ses livres, a représenté le pays des morts sous différents angles. Il l'a fait, on l'a dit, Luba Jorgensen dans La mort d'Ivan Illich. Il l'a fait dans Guerre et paix, évidemment, dans Anna Karénine, y compris même dans ses journaux et dans ses carnets. Il y a une sorte de triomphe de la mort chez Tolstoï. Elle est toujours présente. Il faut dire que il a été lui-même très marqué par des morts précoces. Il a perdu sa mère, puis il a perdu son père, puis ses tantes, les tantes qui s'occupaient de lui. Puis et en fait, la mort revient dans son imaginaire de manière forte lorsqu'il commence à perdre des enfants. C'est quand même aussi une expérience. Voilà, on n'y pense pas, mais je dirais au XIXe siècle, et c'est vrai que Sophie Tolstoï le décrit dans son autobiographie et son journal, on pense à toutes les maladies qui assaillaient les gens en permanence, contre lesquelles il n'y avait pas de remède. Mais alors, c'est quand même pas la mort qui arrivera au XXe siècle au goulag et par exemple à la colima. Je dis ça parce que vous avez signé un texte dans les cahiers Léon Tolstoï intitulé « Chalamov contre Tolstoï ». Et je me dis que puisqu'il nous reste quelques minutes, on peut peut-être parler un tout petit peu de ce texte. Chalamov, qui a été emprisonné à de nombreuses reprises, qui a été envoyé à la colima, auteur donc des récits de la colima, que vous avez co-traduit et préfacé aux éditions Verdier, et vous expliquez que Chalamov est contre Tolstoï. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Eh bien, Chalamov considère Tolstoï. C'est toute la littérature romanesque qui c'est l'art en général. Oui. Non, Chalamov disant qu'il refuse. Son témoignage se base, son témoignage est consubstantiel à un projet moderniste qui lui fait intituler, par exemple, un de ses recueils anti-roman. Donc, Chalamov, on n'a pas le temps d'expliquer, mais Chalamov, ses récits de la colima sont des petits récits. Il, à la différence de Solzhenitsyn, voilà encore deux auteurs qu'on oppose l'un à l'autre en permanence. Donc Chalamov revendique cette position anti-romanesque. Donc il pense que le roman tolstoïen est mort. Il pense que le Docteur Jivago, qui est un roman tolstoïen, le roman tolstoïen du XXe siècle est un échec. La littérature après la colima, après Auschwitz, après Hiroshima, ne peut plus accueillir un personnage individualisé, puisque les destins individuels ont été broyés. Et ce qui frappe justement à l'époque de Tolstoï, même si ces morts pouvaient être tout à fait tragiques, ce sont des morts individuelles. À l'époque de Chalamov, il n'y a plus de... Enfin, à l'époque, dans les camps, il n'y a pas de mort individuelle. Ce sont des morts plurielles. Et il dit... Tolstoï a hésité à donner des yeux noirs ou bleus à Katyusha Maslova, à la Kolyma. Personne n'avait de couleur d'yeux. Et Chalamov dispute à Tolstoï l'espace de la mort, dites-vous, Luba Jorgensen. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'un Tolstoï plus métaphysique. Je rappelle que votre livre a paru dans la collection Chemin d'éternité, dirigée par Olivier Germain-Thomas aux éditions Pygmalion en 1998. Vous voulez ajouter une chose ? Oui, je voudrais ajouter qu'un très grand tolstoïen vient de nous quitter, c'est Michel Couturier, oui. Qui est auteur aussi de plusieurs ouvrages sur Tolstoï. Voilà, et je voudrais lui rendre un petit hommage et on à se cette joint occasion. À votre hommage. Merci beaucoup, Luba Jorgensen. Tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec vous aujourd'hui, Georges Marc Habib de la librairie de l'Atelier dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour Georges Marc. Et bonjour Mathieu. Merci de venir nous voir ici au salon Livre Paris, dont la Russie et le pays invité. D'ailleurs, vous voulez nous parler d'un roman russe contemporain pour commencer. Bah, je ne pouvais pas ne pas commencer par un roman russe contemporain. Évidemment, Livre Paris met à l'honneur la Russie et donc sa littérature. Et donc, je vais vous parler du dernier livre de Yuri Boïda qui s'appelle « Voleur, espion et assassin » édité chez Gallimard. Alors, Boïda nous fait un récit autobiographique. On est dans l'URSS de l'après-guerre, la Russie d'après Staline. On est dans une zone qui est l'ancienne Prusse orientale que l'URSS avait annexée à l'époque, avait renvoyé tous les habitants, donc tous les Allemands en Allemagne, hein, en disant bah, place à nous, et avait installé comme ça des colons russes dans cette ville de Znamensk, où se passe le récit, excusez-moi mon accent non russe. Comment est-ce qu'on prononce Luba Jorgensen ? Znamensk. Ah, oui, c'est ça. Ouais, c'était pas mauvais. Ouais, c'était pas très loin. Ouais, pas si mal. Et donc, on va suivre ce jeune homme qui a une dizaine d'années, ce jeune narrateur qui va nous présenter sa famille, ses amis, ses parents, le monde dans lequel il vit. Donc, comme c'est un regard d'adolescent, c'est un regard très décalé, même si on sent que l'appartenance au parti a son importance. Évidemment, son père, lui, va changer de statut en évoluant au sein du parti, vont changer de maison. Tout d'un coup, ils vont avoir de l'eau courante dans la maison, par exemple, vont devoir se débarrasser de leur porcelet parce qu'ils n'ont plus la place de l'accueillir. Enfin bref, et le père de ce jeune narrateur, lui, travaille dans une usine de recyclage du papier. Et c'est là où le livre intervient, parce que cette usine de recyclage de papier recycle tout ce qui est censuré par le parti, et on voit arriver des wagons entiers de livres qui vont être soumis à ce recyclage pour être transformés en carton. Et le père de ce jeune narrateur, lui, va récupérer comme ça des ouvrages et va donner comme ça le goût de la lecture à son fils, qui va lui tomber en littérature en découvrant notamment, par exemple, le théâtre de Gogol. Voilà, et sa mère, à qui il transmet comme ça son plaisir de lecture, lui a cette phrase extraordinaire qui lui a dit « Ah, ça y est, mon fils, tu es tombé en littérature ». Un texte superbe et un bel hommage à cette Russie de l'époque et en même temps à la littérature. Alors pour continuer, Georges Marc, dans cet esprit de roman de formation, vous avez repéré un autre livre, celui de Lise Spitt, « Débâcle », c'est chez Actes Sud. Voilà, là c'est traduit du néerlandais, l'auteur est belge, du nord de la Belgique, là. Et là aussi, nous sommes dans un village, là aussi ça met en scène une communauté, et où l'influence de cette communauté a son importance à travers tout ce bouquin. Eva, la narratrice, pareil, elle vit avec ses parents, elle est enfant, elle a un frère aîné qui s'appelle Jolan, une petite sœur, Tessie, elle est née en 1988, et bizarrement, cette année-là, dans ce village, dans cette petite bourgade, il n'y a que 3 naissances. Elle et 2 autres garçons, Tim et Laurence. Tim, le fils de paysan, Laurence, fils des bouchers du village. Et les 3 vont se suivre comme ça tout le long de leur scolarité. Mais Eva, évidemment, va subir, on va dire, l'influence de cette trilogie, de ce trio infernal. Et on va suivre comme ça à travers le récit qui s'articule entre l'époque 2002, donc ils sont vraiment dans la période d'adolescence, hein, ils ont une dizaine d'années passées, et aujourd'hui où elle revient dans ce village pour commémorer la disparition du frère aîné de Tim. Ça se lit comme un véritable polar, tout monte en puissance, le lecteur est vraiment happé par la puissance de l'écriture, et on ne lâchera le livre qu'à la fin en apprenant pourquoi cette Eva est partie et pourquoi elle revient. Dernier choix, Georges Marc, le livre de Maëlle Guillot, Une famille très française, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Alors vous avez vu, je suis parti de la Russie, je suis passé par la Belgique, j'arrive en France. C'est très bien fait. Hein, c'est bien fait. Hein. Et ça parle à chaque fois d'adolescence, parce que là aussi, Maëlle Guillot va, dans cette famille très française, partir d'une narratrice, une jeune fille, Charlotte, elle est adolescente. Elle est ici d'une famille mixte, une mère judéo-marocaine, un papa breton. Voilà, la maman est une vraie mama juive, hein, dans tous ses excès et tout son amour débordant. Elle est fille unique en plus, donc toute l'importance de la filiation est là. Et cette Charlotte va découvrir au collège une amie, Eva, qui, elle, est dans une famille française parfaite. Eva, elle a un grand frère. Eva, elle a un papa qui est haut fonctionnaire des eaux et forêts. Elle a une maman magnifique, qui est toujours magnifiquement bien mise. Hein, même le matin, au réveil, elle est maquillée, habillée, etc. Vraiment l'opposé de ce qu'elle vit, elle, dans sa famille. Et évidemment, elle va rejeter ses origines à elle pour vivre, pour essayer de fantasmer cette famille très française. Malheureusement, elle va tomber sous l'influence d'un adulte, on va dire, manipulateur, qui va l'entraîner dans quelque chose d'affreux. Mais je vous laisse le découvrir à travers la lecture de ce bouquin très sympathique. N'en dites pas plus, Georges Marc, si on veut avoir des informations exclusives sur la suite du roman. On peut quand même aller vous voir à la librairie de l'Atelier. Toutes les semaines, du mardi au dimanche. Tous les jours et toutes les semaines, du mardi au dimanche, exactement. Voilà, rue du Jourdain. À bientôt à Paris. Merci. Deuxième partie de cette compagnie des auteurs consacrée à Tolstoï à l'occasion du salon Livre Paris, dont la Russie est invitée d'honneur. Nous parlons à présent des liens de Tolstoï avec le milieu intellectuel de son temps. Nous le faisons avec Françoise Lesourd, spécialiste de l'histoire des idées et également traductrice du russe, comme par exemple de certains ouvrages de Solzhenitsyn. On lui doit encore le dictionnaire de la philosophie russe aux éditions de l'âge d'homme, c'était en 2010. Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелитесь. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевелят. А то, что я вам говорю, нужно за вас будет. Вы помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. La voix de Léon Tolstoï pour entrer dans cette seconde partie. Bonjour Françoise Lesourd. Bonjour. Alors, pour faire un panorama, ou tenter de faire un panorama du rapport de Tolstoï avec la vie des idées de son époque, commençons peut-être par parler de ses adversaires, c'est le titre de cette émission, de ses détracteurs, qui furent finalement assez nombreux, Françoise Lesourd. Oui, ce qui m'a frappé, c'est que les penseurs de son temps n'ont pas été tellement ses détracteurs, mais ont tous eu un rapport critique à sa pensée, à différents aspects de sa pensée, son simplisme, sa volonté d'avoir une vie simple, d'aller vers la pauvreté, qui était parfois critiquée et qui était prise pour simplement pour plutôt un simplisme. Mm-hmm. Et le critique Marc Aldanov disait que finalement, on pouvait penser que sa sagesse se réduisait au balbutiement d'un petit enfant qui disait « faut être bon ». Donc, Quelque chose d'un peu naïf, alors. Pas vraiment naïf, parce que Tolstoï n'était pas un naïf, mais une volonté de simplicité qui était une réponse à cette angoisse de la mort dont on a parlé avant, et qui était une façon aussi de se rattacher aux autres, mais qui n'était pas toujours prise pour de la sincérité. La sincérité de Tolstoï, c'est un des grands problèmes. À la fois, il a été profondément sincère dans la mesure où toutes ses contradictions intérieures, il les a vécues profondément, douloureusement, mais donc avec une forme de sincérité. Et en même temps, son mode de vie d'abord exposait aux reproches d'insincérité, puisque on lui disait voilà, il est l'apôtre de la pauvreté volontaire, etc. Et il vit dans une maison splendide où il est servi avec par des domestiques en gants blancs, etc. Et puis il y avait une autre insincérité plus profonde, parce que ça, on peut dire que c'est pas vraiment de l'insincérité, mais il y avait une autre insincérité plus profonde qui était qu'il tirait sa légitimité de lui-même. Et c'est ce que lui reprochait en particulier le grand philosophe Vladimir Salaviov. Oui, on reviendra peut-être sur ce point-là. Sur l'insincérité de la simplicité, ça, c'est les intellectuels de son époque qui le lui reprochent, mais c'est aussi ses serfs, parce que quand il veut, 4 ans avant l'abolition du servage, affranchir ses serfs, eux pensent qu'il y a une manœuvre derrière cela, et finalement, quand il cherche à faire le bien, y compris dans sa vie personnelle et sur ses propriétés, on l'accuse d'insincérité. Oui, ça c'est très compliqué. Je crois que les rapports entre les maîtres et leurs paysans étaient extrêmement compliqués. Le servage était très ancien en Russie. C'était souvent aussi pris comme une sorte de un lien très profond, presque un lien de parenté entre les paysans et les maîtres. Et bon, il y a eu des atrocités, le servage prêtait à des excès absolument abominables, mais il y avait aussi des espèces de liens très profonds entre les maîtres et les serviteurs, et qui ont eu beaucoup de mal à se dissiper au moment de l'abolition du servage. Il y avait cette fameuse question de la terre qui n'a pas été résolue par l'abolition du servage. Les paysans croyaient, ce qui paraissait être le bon sens, qu'ils allaient être libérés avec la terre, alors qu'en fait, la terre ne leur a pas été donnée. Et ça, ça a été un problème qui est resté très longtemps dans les consciences. Oui. Alors, vous êtes l'auteur aussi d'un article intitulé « Une mise en accusation du tolstoïsme par Vladimir Soloviev ». C'est peut-être le moment justement de parler un petit peu de cette mise en accusation dans le sillage de ce que vous avez déjà commencé à dire. Et finalement, ce que Soloviev reproche à Tolstoï, c'est d'être coupable du crime le plus grave qu'on puisse reprocher à un intellectuel, c'est-à-dire d'être inconséquent, d'inconséquence intellectuelle. Est-ce que vous pouvez développer sur ce point ? Oui, sur beaucoup de points, en fait, il lui reproche son inconséquence sur, d'abord, cette question de la simplicité, sur la question aussi de l'enseignement, de l'instruction du peuple. Ça fait partie de ces grandes ambiguïtés, de ces grandes contradictions, parce qu'il était très attaché à l'enseignement des paysans. Il avait créé une école, justement, pour les enfants des paysans. Oui, périodiquement, il revenait à Yasnaya Polyana pour fonder, puis il fondait une école pour ses paysans, et une fois que l'école a été fondée, il s'y est toujours intéressé au programme, à ceux qui enseignaient, mais en même temps, il refusait que cet enseignement aille au-delà d'un certain seuil. C'est-à-dire qu'il risque d'éveiller chez le simple peuple des interrogations, des rêves, des besoins qui étaient au-delà de sa condition. Et ça, c'était vraiment, il était très vigilant, enfin très vigilant sur ce point. Donc, l'enseignement ne devait pas dépasser un certain stade et un certain niveau. Et Vladimir Salaviov lui reprochait. Vladimir Salaviov lui disait comment celui qui est arrivé au plus haut de la culture peut-il la refuser à ses semblables, et en quelque sorte retirer l'échelle de sous les pieds de ceux qui, eux, ont besoin, justement, ou un besoin vital de s'instruire. Alors, on peut se poser la question, étant donné que Tolstoï est mort quelques années avant la Révolution russe, de savoir s'il a, par ses écrits, par ses agissements aussi, et notamment ce que vous dites sur l'éducation, même s'il n'est pas allé au bout de la démarche, on le comprend, dans quelle mesure a-t-il accompagné un mouvement intellectuel qui a produit la révolution russe, selon vous, Françoise Lesourd ? Oui, il y a chez lui un aspect, en effet, assez nihiliste. On a pu l'appeler de cette façon, encore que ça soit un peu problématique. Parce qu'il avait un refus des institutions. Un refus a priori des institutions. C'était un anarchiste pour vous. Voilà, alors c'est très difficile. Là encore, il y a une ambiguïté, parce que comment appeler anarchiste quelqu'un qui vivait, qui était quand même le comte Léon Tolstoï, qui vivait dans un univers très structuré, c'est difficile. Son anarchisme, là encore, il ne le mettait pas du tout en pratique. Il y avait quelque chose d'anti-étatique, en tout cas, et on le sent d'ailleurs dans les livres, la manière dont il parle parfois de l'administration. On sent une espèce de haine de l'État quand même. Oui, oui, il prétendait se passer des institutions, faire sans ces institutions. Et là, on retrouvait quelque chose qui est très profond dans le peuple russe, quelque chose de profondément anarchiste, en effet. Et aussi, ce qui va d'ailleurs avec son type de foi, le côté sectaire. C'est-à-dire, chacun, finalement, définit le type de foi auquel il va obéir. Compagnie des auteurs sur France Culture, et nous parlons de Léon Tolstoï avec vous, Françoise Lesourd, et de la manière dont ses contemporains et les intellectuels en particulier l'ont jugé. Il faut dire qu'à la mort de Tolstoï, son ombre est tout de même très importante sur le milieu intellectuel et artistique russe, et chacun se demande un petit peu ce qu'il faut faire de cet héritage qui n'est pas forcément évident à assumer pour les uns et pour les autres. Et donc, vous racontez qu'il y a eu des débats pour faire un petit peu l'inventaire, finalement, l'apport de Tolstoï, Françoise Lesourd. Vous voulez parler des fameuses sociétés philosophico-religieuses. Voilà, c'est ça. Oui, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que malgré tous les aspects vraiment contradictoires de sa pensée, il a été une sorte de ferment pour toute la vie intellectuelle. Et surtout, il a déterminé deux événements qui ont été extrêmement importants dans la vie de la société russe. Les assemblées philosophico-religieuses en 1901, qui ont été déterminées par son excommunication, et ensuite les sociétés philosophico-religieuses à partir de 1907. Mais celles de 1901 sont sont peut-être plus intéressantes parce qu'on est dans l'actualité brûlante, c'est que Tolstoï vient d'être excommunié. Et normalement, la société cultivée, à cette époque-là, elle était très loin de l'Église. Elle était un peu indifférente à la foi. Et d'ailleurs, un des représentants de l'Église dans ses assemblées dit aux représentants de l'intelligentsia « Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que Tolstoï ait été excommunié, puisque la foi, vous êtes un peu indifférente ?» Et en fait, non. Ça a servi vraiment de déclencheur d'un dialogue entre l'Église, l'institution, l'Église officielle, et la société cultivée. Or, c'était quelque chose de nouveau. Depuis la fin du XIXe siècle, il y avait déjà un renouveau de la demande religieuse dans la société russe, ce qui était tout à fait nouveau, parce que l'Église établie était mal vue à cause de ses liens avec le pouvoir tsariste. Et tout d'un coup, donc, il y avait un intérêt pour les questions religieuses, pour les questions philosophiques, et cet intérêt s'est trouvé un peu, a été catalysé par cette excommunication de Tolstoï, et il y a eu ces assemblées qui ont été déterminées par le philosophe essayiste et poète Merezhkovski, qui ont contribué à presque officiellement, mais pas tout à fait, mettre en contact la société cultivée et des représentants de l'Église. Donc ces sociétés continuent de se voir après la mort de Tolstoï, et à l'ordre du jour, rapidement après sa mort, il y a un débat justement sur que faut-il penser de l'héritage de Tolstoï. Et Merezhkovski, dont vous venez de citer le nom à l'instant, parlait notamment de la question de savoir si on pouvait le considérer ou non comme un chrétien exemplaire. C'est-à-dire qu'en Russie, on débat à ce moment-là, ou en tout cas dans ce cercle-là, de savoir s'il faut porter un œil positif sur la religion vue par Tolstoï. Oui, c'est le plus grand paradoxe, finalement, de Tolstoï, c'est que lui-même, qui a toujours attaqué de front l'Église, et qui était un peu comme Voltaire de ce point de vue-là, bien que lui ait recherché une nouvelle religion, c'est lui qui a contribué, à travers le tolstoïsme, à amener un très grand nombre de gens vers la religion, à devenir croyants. Donc c'est l'un des paradoxes. Et on peut dire que, et certains ont même dit, finalement, le seul vrai chrétien en Russie, c'est Tolstoï. Et Merejkovski a particulièrement bien souligné ce paradoxe. Il a dit, au fond, Tolstoï, pendant toute sa vie, a sans cesse essayé de ne pas croire, et il n'y est jamais arrivé. Donc il revient toujours vers la foi, en la refusant profondément, mais sans jamais y arriver. Alors toujours dans ces cercles-là, au cours de ces conversations de la société philosophico-religieuse, on remet en cause un certain nombre d'apports de Tolstoï. Il y a par exemple le discours de Sémion Franck, je prononce sans doute mal, qui dit, lui, au fond, pourquoi est-ce qu'il y a une telle unanimité autour de Tolstoï et qui remet en cause la statue du grand écrivain? C'est lui justement qui affirme qu'il y a eu cette opposition très forte dans sa vie entre le fait de croire et le refus de croire. Mais il cite aussi Tourguenieff qui aurait dit un jour « Tolstoï n'a jamais aimé personne », par exemple. Donc il y a des attaques personnelles sur sa personnalité. Mais alors ça, beaucoup de gens l'ont dit. Le critique Marc Aldanoff a dit, par exemple, que Tolstoï ignorait le lait de la tendresse humaine. Et en fait, on peut dire que, comme il a refusé, c'était son moi qui était d'une telle dimension qu'il constituait une sorte d'obstacle à la fois à l'altérité, c'est-à-dire à sortir de lui-même vers les autres, et aussi au sens de la transcendance. Oui, qu'on lui reproche aussi énormément de ne pas pouvoir accéder à la transcendance dans sa pratique de la religion. Ah oui, je ne sais pas si on lui reproche, mais en tout cas, lui l'affirme. Si on lit Confession, le fameux livre qui fait la jonction entre le Tolstoï romancier et le Tolstoï, enfin, pas la jonction, mais au contraire, le partage entre les deux, on voit qu'il y a un moment... Ce qu'il accepte de la religion, c'est ce qui est rationnel, la confession par exemple. Mais là où il a un refus absolument viscéral, c'est devant la communion. Parce que là, c'est un moment où on lui présente quelque chose qui est contraire à la raison, devant quoi sa raison refuse de s'incliner. Et aller au-delà de sa raison, c'est-à-dire aller au-delà de lui-même, c'est une chose qu'il refuse absolument. Et c'est ce qui fait que la pensée de la mort dans son œuvre, c'est comme un centre aveugle dont il s'approche tout le temps et dont il recule avec horreur. C'est ce qui lui donne son dynamisme. J'ai envie de vous demander, pour terminer, Françoise Lesourd, si on continue plus loin dans l'exploration des milieux intellectuels russes tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le rapport à Tolstoï est toujours très présent? On a commencé cette émission par cette même question. Je voudrais vous entendre sur ce point. Alors, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Luba. C'est justement ces contradictions qui lui donnent son côté inépuisable. Mais je ne sais pas si il est tellement... Je pense qu'il est tellement à part, tellement gigantesque, que... je ne le vois pas tellement à travers le monde actuel. Ouais. Disons qu'on peut lui faire référence, mais c'est tout. Enfin, c'est une... il est vraiment à part, il me semble. Merci beaucoup, Françoise Lesourd, pour cette analyse. Je rappelle que vous avez dirigé le numéro 26 des cahiers Léon Tolstoï, qui parlait justement de Tolstoï et la vie intellectuelle de son temps. C'est un ouvrage publié par l'Institut d'études slaves. signale également le livre publié sous votre direction intitulé « La clandestinité, études sur la pensée russe » paru en janvier dernier chez L'Harmattan. Et demain, figurez-vous, on continuera de parler de Tolstoï dans la compagnie des auteurs avec Laure Troubetskoï et Laetitia Leguet qui nous parleront de Garépé, d'Anna Karénine et du rapport de Tolstoï à la musique. Tout de suite sur France Culture, on trouve comme chaque jour la poésie avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Tant de pages à dire, tant de soirées, tant d'échanges possibles en feuilletant ce castor astral ardent. Oui, mais les éditeurs le sont. Il faut l'être. Anthologie de la poésie syrienne contemporaine, réalisée par Saleh Diab. Alors oui, oui, à quoi bon les poètes en temps de détresse? Eh bien, on l'entend autrement. « Massacre » est un poème de Nazi Abu Afash. Je compte sur mes doigts les voleurs, les percepteurs et les historiens. Je compte sur mes doigts les drapeaux, les trônes et les cimetières. Je compte l'enfer, je compte les massacres. Je compte les généraux qui bombardent leur peuple de déclarations et exercent leur armée à la défaite. Je compte les prisons, les camps militaires et les étoiles qui tombent à terre pendant les batailles. Je compte sur mes doigts les couronnes fanées, les cercueils fermés et les années à travers lesquelles nos dirigeants nous envoient en enfer. Je compte sur mon cœur les femmes qui sont allées à la rencontre de l'amour dans les rues, puis, un instant perdu, les balles affluent par les fenêtres. Et la terre entière se noie dans un deuil sans fond. Supplique, extrait d'un poème de Badawi al-Jabal. Comme j'ai foi en sa bonté, entre Dieu et moi, il y a une porte. Je m'y réfugie toujours. Les divans et les lieux me connaissent. Seigneur, ta porte ne repousse pas ceux qui s'y protègent. Voile est sur elle. Sa clé dans mes mains et certitude, le doute ne l'effleure pas. Et si l'on me questionne sur mes péchés, mes larmes sont la réponse. Elles en sont le livre dans ma main droite lorsque je l'attends à ta miséricorde. Adonis est cité dans cette encyclopédie. On prend l'extrait d'un psaume ici. Où prend fin la distance, où s'annihile la peur. J'invoque le vide et je vide le plein. Même le silex est mou, même le sable s'enracine dans l'eau. Pourquoi les chemins? Pourquoi l'arrivée? Prodigue, prodigue, je ne reviendrai pas. La chute est mon état et ma condition. Le paradis est mon contraire. Les arbres sont feuilles dans mes cahiers et les pierres sont poèmes comme molles. Je raclerai la peau de l'horizon afin qu'il saigne et qu'il coule. Je volerai entre la blessure et la blessure. La mort et moi, on partage l'espace. Autre poème de Nazi Abu Afash. Un nuage, pas plus. Je vous en prie, détournez vos visages dans l'autre direction. Ou au moins baissez un peu les yeux et prétendez que vous ne regardiez pas de mon côté. Absolument pas. Par Dieu, je ne vous hais pas et votre présence à mes côtés ne me pèse pas. Seulement, alors que les cérémonies funèbres continuent, je sens que j'ai besoin d'être seul, afin de pleurer à mon aise, sans être envahi de honte, devant vos cœurs valeureux et vos yeux compatissants. Et je vous en prie, absolvez-moi. Ce n'est qu'un nuage de larmes, pas plus. Un nuage. Il va passer. Merci Jacques Bonafé, vous consacrez vos lectures de cette semaine à de la poésie syrienne.